إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avons commencé, inshallah, ou nous commençons aujourd'hui cette nouvelle série de cours sur la radio Mirath al-Anbiya, qui sera donné chaque premier vendredi de chaque mois égyrien, bi'idhnillah et subhanahu wa ta'ala. Le sujet que j'ai choisi de développer pendant cette série de cours mensuels est un petit écrit, un épître de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui s'appelle شرح ستة مواضع من السيرة النبوية. L'explication de 6 passages de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, nous allons faire une biographie résumée de cet imam, de cet écrivain, du cheikh Al-Allama Mohammed, fils de Abdel Wahhab, fils de Suleyman, fils de Ali, fils de Mohammed, qui est un descendant de la tribu des Banu Tamim, rahimahullah. Il est né dans le village de Uyayna en l'an 1115 de l'Égypte, dans la région du Najd, dans la péninsule arabique, dans une famille de gens religieux, de science et d'honneur. Son père était un grand savant, et son grand-père Suleyman ibn Ali était le savant de sa région, de la région du Najd de son époque. Mohammed ibn Abdul Wahhab apprit le Coran par cœur avant l'âge de 10 ans et il étudia le fiqh selon le madhhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il était l'objet de l'admiration de son père vu sa mémoire impressionnante. Il consultait très souvent les livres de tafsir, d'exégèse du Coran et de hadith. Il fournissait des efforts pour apprendre la science nuit et jour. Il entreprit de voyager pour acquérir plus de science, tout d'abord dans la région du Najd, puis vers Mecca, où il étudia avec les savants de la Mecque, puis il continua son périple vers Médine, Al-Madina, où il étudia avec des grands savants de Médine plusieurs domaines de la religion, dont la science de l'héritage et la science du hadith, avec un muhaddith connu de l'époque, le cheikh du hadith de l'époque, Mohamed Hayat Sindi. Il a appris donc la science du hadith avec lui, la science aussi des rapporteurs, ilm al-rijal, et ce dernier lui décerna l'autorisation d'enseigner les livres principaux tels que le Sahih de Bukhari et Muslim, etc. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab était doté d'une grande intelligence. Il consacra sa vie à étudier, à faire des recherches et à écrire. Il avait une mémorisation très grande, il avait une grande facilité à retenir tout ce qu'il lisait. Et il ne se lassait jamais d'écrire. Il a notamment recopié de nombreux ouvrages de Cheikh Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim, rahimahumullah. À savoir qu'à cette époque, en Arabie, il n'y avait pas d'imprimerie. Les savants et les élèves recopiaient les livres à la main. Et ces manuscrits qui ont été écrits par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sont conservés jusqu'à maintenant. À la mort de son père, le cheikh commença à prêcher ouvertement le message essentiel de l'islam qui est « Tawhid », l'appel à l'unicité d'Allah. À la manière des pieux prédécesseurs, rahimahumullah, il dénonça le shirk, le polythéisme, sous toutes ses formes. Il dénonça les innovations, les bid'ah. Il dénonça le sectarisme. Il dénonça les choses détestables et répréhensibles en religion. Il faut savoir qu'à son époque, les gens de la péninsule arabique étaient revenus à toutes sortes de pratiques idolâtres et a fortiori ne se conformaient que très peu aux rites de l'islam. Le cheikh, rahimahullah, les incita alors à retourner à l'islam des origines, celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et de ses compagnons. Il n'est pas venu avec une nouvelle religion, ni une nouvelle pratique, ni une nouvelle croyance. Il n'a fait que profiter des travaux et des efforts de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et ibn al-Qayyim, qui eux-mêmes n'ont rien à inventer, qui n'ont fait que relayer les efforts de l'imam de la Sunna Ahmad ibn Hanbal, qui lui-même n'a fait que relayer la bonne croyance et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous sur une même lignée et un même prêche et une même voie qui est la défense du tawhid, la défense de la sunna et de s'attacher à la religion originelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissée à ses compagnons. Donc, ceux qui nomment les élèves et les suiveurs et ceux qui profitent des travaux de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, des Wahhabites, pour faire croire que c'est une nouvelle religion ou une voie inventée, ce ne sont que des sobriquets pour éloigner les gens de la vérité. Car ils n'ont aucun argument, ni du Coran, ni de la Sunna, pour pouvoir combattre la vérité. Alors, ils font comme les ennemis de l'islam et les ennemis des prophètes et les ennemis de la vérité à chaque époque. Quand ils n'arrivent pas à combattre avec des arguments, ils font des coups bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent à la personnalité, ils s'en prennent à la personne elle-même, ils s'en prennent à ses intentions, ils s'en prennent à son entourage, ils le nomment avec des sobriquets. Toujours, les gens de l'innovation ont toujours été comme ça. Toujours. Walhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala a fait triompher son prêche. Car son prêche n'est autre que le prêche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc il retourna vers sa terre d'origine et il se heurta là-bas à des problèmes avec les notables. Puis il réussit à conclure une alliance avec un prince de la région qui est Mohammed ibn Saoud, le prince de Dir'iyya. Dir'iyya, c'est un petit village limitrophe de Riyad. Ensemble, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé la prêche de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'autorité et la puissance du prince Mohammed ibn Saoud, rahimahumullah, pour réaliser l'unité des tribus arabes sous la bannière du tawhid, du monothéisme pur. Lorsqu'ils eurent épuisé tous les moyens pacifiques pour prêcher le tawhid et que certaines tribus faisaient encore obstacle à la propagation de la parole d'Allah, ils leur déclarèrent la guerre. Celle-ci prit fin en 1773, date grégorienne, avec la conquête d'Al-Riyad. Le cheikh se consacra après cela entièrement à l'enseignement et à l'écriture de tous les ouvrages qu'il nous a laissés, comme Kitab al-Tawhid, comme le résumé de Sahih al-Bukhari, comme Kashf al-Shubuhat, comme Kitab al-Kaba'ir, etc. Al-Qawa'id al-Arba'u, le résumé de Zad al-Ma'ad, et d'autres livres, et d'autres ouvrages très profitables. Rahimahullah. Avant de mourir en 1206 de l'Hégire, ce qui équivaut à peu près à 1792 en date grégorienne, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, verra le tawhid régner sur la péninsule arabique et ses environs. Il verra les prêcheurs et les prédicateurs au tawhid, au monothéisme pur, se multiplier. Et les drapeaux des partisans du polythéisme, du shirk, et des innovations tombaient l'un après l'autre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Il a laissé après lui des élèves. Et les plus remarquables parmi les élèves qu'il a laissés sont ses propres enfants, ses fils, comme Abdullah, Ali, Hussein et Ibrahim, qui lui succédèrent dans le prêche. Puis après lui, ses descendants et descendants que l'on nomme, qui sont connus aujourd'hui par les Al-Sheikh. Al-Sheikh, ça veut dire la famille du Sheikh. C'est-à-dire la famille du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc tous les Al-Sheikh qu'on entend, ce sont des descendants du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Comme quand on entend Al-Saoud, ce sont les descendants du prince Mohammed ibn Saoud qui s'est allié à Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab pour répandre le tawhid et la sunna du prophète alayhi salat wa salam. D'ailleurs, les descendants du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à chaque époque de la famille de Ali Cheikh n'ont cessé de perpétrer cette science et de faire partie des hommes de science et de piété qui continuent jusqu'à aujourd'hui à jouer un rôle capital dans la vie religieuse de leur pays, occupant les rangs de mufti, de ministre, de juge, etc., etc. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de préserver les bénéfices de cette da'wah, de nous guider et de faire de nous des guides sur sa voie, car c'est lui, subhanahu wa ta'ala, le garant du succès. On pourrait faire, il y a des très longues biographies qui sont écrites sur le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais ici, l'objectif est d'être assez succinct pour rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, concernant cet écrit, qui s'appelle « Sharh sittata mawadi'a min as-sirati an-nabawiyya », l'explication de six passages de la biographie prophétique. On va lire l'introduction de Cheikh et on va essayer de traduire et donner une explication, inshallah, à ce qu'il a écrit. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تأمل رحمك الله تعالى ستة مواضع من السيرة كما ينبغي وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه فإن كثيرا ممن يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم هذه الستة كما ينبغي. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أدي ميديت كالله تفاس ميزيريكورد sur six passages de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, et veille à bien les comprendre. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala t'éclairera sur la religion des prophètes, pour que tu te conformes à ses enseignements. Et il t'éclairera sur celle des polythéistes, pour que tu la délaisses. Pour que tu la délaisses. En effet, la plupart des gens qui se revendiquent de la religion et adeptes de l'unicité ne comprennent pas ces six événements ou bien ces six passages comme il se doit. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il commence en disant « Médite et arrête-toi un instant sur six passages et six événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et veille à bien les comprendre. » La biographie, la sira, quand on dit la sira, cela correspond à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle se définit comme les événements, les faits dans les domaines de l'adoration, des relations avec les autres, du prêche, du combat, de l'émigration à Médine, de l'éducation des compagnons, etc. Donc tous les faits qui remplissent la période entre son avènement, sallallahu alayhi wa sallam, et le jour où le Tout-Puissant lui a repris son âme. Toutes les paroles, les actes et les attitudes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a pu avoir entrent dans le cadre de l'étude de sa biographie. Il est donc important que le musulman se penche sur la biographie, sur la sira, dans le but de le prendre pour modèle, dans le but de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pour modèle. Allah tabaraka wa ta'ala a fait de lui un exemple pour nous, comme le confirme le verset « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » Vous avez en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est donc notre modèle à suivre. L'intérêt d'étudier sa vie, c'est de nous en faire un modèle. L'objectif n'est pas de lire son histoire uniquement lors des célébrations innovées comme le Maulid. Ce genre de lecture est totalement improductif car elle n'a pas pour objectif de s'instruire ou de comprendre sa vie ni d'en tirer des enseignements. Mais ceux qui la lisent en ces occasions le font en y recherchant une bénédiction. En outre, c'est une pratique qui est devenue une habitude, voire même une coutume. On s'intéresse à la vie du meilleur des hommes pour un seul jour, le jour prétendu de sa naissance, car on n'est même pas sûr de la date exacte de sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, après cela, on tourne la page. Cet usage est stérile et inutile, en plus d'être innové. Or, il faut non seulement étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sérieusement, mais il faut le faire continuellement. Il ne s'agit pas de prendre un livre du début à la fin et de dire ensuite qu'on a lu la sira. Il faut plutôt prendre le temps de bien la comprendre afin de prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en modèle dans ses paroles et ses actes, tel en est le véritable objectif. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit sur le sujet un ouvrage extraordinaire, ayant pour titre « Zadul Ma'ad fi hadi khayri al-ibad ». Les auteurs contemporains aussi ont consacré des écrits sur ce thème. Si certains de ces ouvrages sont de bonne qualité, d'autres le sont beaucoup moins, voire même médiocres. Pire, certains d'entre eux poussent l'égarement et l'erreur jusqu'à mentionner des pratiques qui relèvent du shirk, du polythéisme. Ils encouragent notamment à rechercher la baraka dans les effets des vertueux. At-tabarruk bil-athar. At-tabarruk bil-athar. Et ceci est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chercher la bénédiction par les effets et les traces est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. il n'est pas permis de chercher la bénédiction dans les effets et les traces d'autres que lui. Jamais personne après sa mort n'a cherché la bénédiction chez Abu Bakr ou Omar, qui sont les meilleurs des hommes de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et d'ailleurs, ceux qui ont écrit ces livres sur la sira, ils l'ont fait, on dirait que le seul objectif était de quoi ? D'appeler les gens au shirk. C'est pour cela qu'il ne faut pas tenir compte de ces livres-là et de ces conceptions erronées. Chacun, en effet, ne donne que ce qu'il a acquis. Une bonne semence donne de bons fruits et une mauvaise semence donne de mauvais fruits. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala et on le loue de nous avoir guidés. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider et de nous raffermir dans la guidée tous autant que nous sommes. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de guider ces gens qui sont égarés, de les guider au droit chemin, de les ramener à la vérité. Nous ne parlons pas d'eux pour nous moquer d'eux, mais pour ne pas tomber dans cet égarement. Car si on se moque d'eux, en réalité, on risque d'être éprouvés nous-mêmes et d'être égarés, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Mais en parlant de ces égarements-là, on en tire des leçons, on demande à Allah de nous en préserver, et en même temps, on invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'Allah les guide à la vérité, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala les ramène à la vérité. Ainsi, l'objectif d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'y puiser des leçons, de la mettre en pratique, de prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour modèle et d'en déduire des règles religieuses. Il n'y a que du bien à se pencher sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui regorge d'enseignements et de bonnes œuvres. Son histoire est riche en événements qui sont extraordinaires à tous les niveaux. Sa vie est une succession d'adorations à Allah. Nous devons donc profiter de ce trésor. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a donc sélectionné 6 passages, 6 événements importants de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la Sira, en sachant qu'il est possible de revenir aux ouvrages de référence pour la découvrir dans son intégralité. Ces passages et ces événements sont tous en rapport avec la foi et la croyance du musulman. Donc le cheikh a dit, ainsi Allah t'éclairera sur la religion des prophètes. Donc pourquoi il a réuni ces 6 passages et il a fait la lumière sur ces 6 passages et il a demandé de méditer bien sur ces 6 événements et ces 6 passages et de bien les comprendre. Pourquoi ? Ainsi Allah t'éclairera sur la religion des prophètes pour que tu te conformes à ses enseignements et sur celle des polythéistes païens pour que tu la délaisses. Donc le but de l'étude de la Sira, c'est de comprendre la religion des prophètes, alayhim salat wa salam, et le tawhid, le monothéisme pur, afin d'œuvrer en conséquence. En parallèle, elle permet de comprendre ce qu'est la religion des polythéistes en vue de la délaisser. En effet, il ne suffit pas de connaître la vérité sans aller plus loin. Mais il incombe également de connaître le faux. Le premier enseignement, c'est pour le mettre en pratique. Et le deuxième, c'est pour éviter d'y sombrer. Si nous ne connaissons pas le faux en détail, nous risquons d'y sombrer sans nous en rendre compte. En empruntant un chemin semé de trous et d'embûches, et qui en plus t'est inconnu, tu t'exposes au danger en toute insouciance. Tu peux ainsi tomber dans un trou sans t'en apercevoir. En revanche, en étudiant le parcours et en repérant les dangers de ce parcours, tu sauras à quoi t'en tenir. tu pourras alors aisément éviter les dangers sur ton chemin. Si cette démarche est valable pour les choses de la vie mondaine, les questions liées à la croyance méritent encore plus de vigilance alors. Il est donc impératif de savoir ce qu'est le faux en détail, savoir ce qu'est le polythéisme en détail, savoir ses formes en détail, connaître ses causes en détail, connaître les moyens qui y mènent en détail, en vue de s'en préserver, comme dit le poète, je connais le mal, non pour lui-même, mais pour l'éviter, car sans discerner le bien du mal, on peut y sombrer plutôt. On peut y sombrer. D'ailleurs, le noble compagnon, Hudhayfa, radiallahu anhu, affirme à ce sujet, les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, tandis que moi, je le questionnais sur le mal pour éviter d'y sombrer, rapporté par le Bukhari et Muslim et Ibn Majah. C'est pour cela, il faut s'enquérir du bien, mais aussi du mal, alors que certains aujourd'hui se concentrent uniquement sur le bien sous prétexte qu'il n'est pas indispensable de s'instruire au sujet du mal. Cette conception est complètement erronée, car sans sentir le danger, on s'expose automatiquement au péril. C'est d'autant plus vrai que les prêcheurs de l'innovation, les prêcheurs aux portes de l'enfer sont à l'affût et ils n'attendent rien d'autre que les faux pas des gens pour les égarer, qu'Allah nous en préserve. Puis le cheikh a fini cette introduction en disant, en effet, la plupart des gens qui se revendiquent de la religion et qui se revendiquent adeptes de l'unicité ne comprennent pas ces six passages comme il se doit. Les polythéistes et les païens cherchent à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers leur polythéisme. Ils pensent faire bien, mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas le vrai sens du shirk, du polythéisme. C'est pourquoi ils s'imaginent que c'est une façon de se rapprocher de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils vouent des sacrifices en l'honneur des pieux et des saints. Ils cherchent la bénédiction auprès de leur tombe. Ils implorent même leur secours. Pourtant, selon leurs propres aveux, ils savent très bien que les morts n'ont aucun pouvoir et qu'ils ne sont pas capables de faire ni le bien ni le mal. Cependant, prétendent-ils, comme ils sont des pieux, nous les sollicitons afin qu'ils interviennent pour nous auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala le Très-Haut. Exactement comme Allah tabaraka wa ta'ala le décrit au sujet de leurs ancêtres, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah des idoles qui ne peuvent leur faire ni un bien ni un mal. Eux-mêmes le reconnaissent. Mais comme Allah Ta'ala dit dans le sens, mais ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils ne sont pour eux que de simples intercesseurs. Un autre verset nous apprend, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran, إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Les démons les détournent du droit chemin alors qu'ils pensent être bien guidés. Ils n'ont pas appris leur religion. C'est pourquoi ils pensent bien faire. Malheureusement, c'est la situation de la plupart de ceux qui se disent appartenir à l'islam aujourd'hui. Ils se rapprochent d'Allah en faisant du polythéisme, à la manière des païens, à la manière des polythéistes de la première époque. Ils immolent, ils émettent des vœux en l'honneur des tombes. ils font des circumambulations, des tawafs autour des tombes. Ils cherchent la bénédiction sur les tombes. À leurs yeux, ils ne rendent le culte à personne d'autre qu'à Allah. Mais disent-ils, nous nous servons de ces gens pieux. Ils disent, notre intention, c'est ni plus ni moins d'en faire des intermédiaires entre nous et notre Seigneur. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit bien dans le Coran, والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ceux qui prennent des secoureurs en dehors d'Allah disent, nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage, dans le sens de sa parole. Ces gens, ils n'ont nullement l'intention de faire du shirk, mais ils s'imaginent que c'est une façon d'adorer Allah et de se rapprocher de lui, voire de se rapprocher de lui davantage par leur intermédiaire. Voyez, mes frères, de quelle façon Shaytan aborde le fils d'Adam et l'égare. De quelle façon les démons humains se présentent-ils à eux en leur embellissant leur égarement. Nous répondons à ces gens que certes, vous n'adorez pas des idoles à proprement dit, puisque vous ne faites que prendre des intermédiaires entre vous et Allah. Le problème, c'est que malgré cela, Allah considère cette pratique comme du polythéisme, en disant ils adorent, il s'agit donc d'une adoration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Yunus, verset 18, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils adorent en dehors d'Allah des idoles qui ne peuvent leur faire ni un bien ni un mal. Ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informeriez-vous Allah sur ce qu'il ignorerait dans les cieux et la terre? Gloire et pureté à lui, le Très-Haut, qui est bien au-dessus de cela. Allah se purifie lui-même d'une telle pratique, de ceux qui lui associent. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a jugé le fait qu'ils prennent des intercesseurs comme du polythéisme et comme une manière de les adorer. Il a désigné cela comme du shirk. Mais eux, ils l'appellent autrement. Allah, ils l'appellent du shirk. Eux, ils lui donnent un autre nom. Mais cela ne change rien de la réalité de leurs actes. Ils parlent, eux, de demande d'intercession. Il faut donc être très attentif à ce point. Vous avez bien appris dans la croyance que le polythéisme est interdit, que c'est le plus grand péché qui soit, et qu'Allah ne pardonnera pas celui qui s'en est rendu coupable sans s'en être repenti avant de mourir. Toujours est-il que le polythéisme est mal compris. Il faut donc absolument savoir le reconnaître, reconnaître les pratiques de polythéisme dans la réalité de tous les jours, reconnaître ce qui relève du polythéisme et ce qui relève du monothéisme et du fait de vouer un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Les dissidents prétendent qu'ils ne font que solliciter Allah par l'intermédiaire des pieux et des saints. At-tawassul, comme ils appellent ça. Et qu'ils sont en plein cœur du principe de l'unicité. Cette pratique, assure-t-il, est aimée par Allah. Pour eux, Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré ce type de pratique. Nous disons en effet, Allah aime les gens pieux, ses serviteurs pieux. C'est pourquoi il est louable de se rapprocher de lui par le fait de les aimer en Allah, mais non pas en les adorant en dehors d'Allah. Eux, ils disent, Allah, il aime ses serviteurs pieux, donc il faut qu'on prenne intercession auprès d'eux, après leur mort, en les adorant. Et ils appellent ça l'islam et le tawhid. à ces pratiques qui ne sont rien d'autre que les mêmes pratiques que les premiers polythéistes et les païens. Ainsi, du fait de leur ignorance, en l'absence totale de clairvoyance, ces égarés donnent le nom de tawhid au polythéisme. Et ils appellent le tawhid, ils appellent le shirk tawhid, et ils appellent le tawhid shirk et innovation. Qu'Allah nous guide et les guide. Et on va voir dans l'étude de ces six événements, de ces six passages, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la manière de les comprendre correctement, l'importance du tawhid et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes concernant le tawhid et le shirk. Nous allons nous en arrêter là, inshallah. Notre prochain rendez-vous pour ce cours-là sera, inshallah, le premier vendredi du mois prochain égyrien. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.